L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Du 2 au 7 octobre, les Blues Roses, l'association nancéenne qui intervient à l'hôpital d'enfants du CHRU de Nancy-Brabois, organise une vente de pensée à la galerie marchande de Cora Oudemont. Christiane Rago, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes présidente de l'association des Blues Roses à Nancy. Avant de parler de ce qui va se passer pendant cette semaine, présentez-nous l'action des Blues Roses au quotidien. Alors, l'action des Blues Roses, c'est de proposer des animations à l'hôpital d'enfants Nancy-Brabois pour égayer la monotonie d'une journée d'un enfant malade et en même temps tenter de faire entrer une bouffée d'oxygène venant de l'extérieur. Nous sommes présents dans les consultations, nous sommes présents dans les salles de jeu, dans les chambres, et nous proposons des jeux de société, des jeux ludiques, des loisirs créatifs. Nous pouvons raconter des histoires ou tenir simplement compagnie à un enfant qui se sent seul, mais qui n'a pas forcément envie de faire quelque chose. Puis, nous sommes présents également auprès de la personne âgée. Nous sommes présents dans 3 EHPAD et dans un établissement de soins de suite. Notre présence est apportée réconfort et lors des animations que nous proposons à nos aînés, ça leur permet de rompre leur isolement et la solitude dans lesquelles ils sont parfois. Nous les sollicitons pour leur redonner, entre guillemets, l'envie d'avoir envie de faire. Alors, au travers du jeu, la Blues Rose stimule la mémoire et favorise la communication. Dans les activités musicales, elle valorise nos aînés, car pour certains, ils retrouvent les paroles des chansons connues, et certains en refredonnent l'air. Et avec les activités et les loisirs créatifs, la personne âgée retrouve le plaisir de créer, tout en favorisant sa concentration. Alors que ce soit auprès de l'enfant ou de la personne âgée, tous nos bénévoles sont formés. Elles savent faire preuve d'une grande adaptabilité suivant la situation qu'elles rencontrent. Elles agissent aussi en complémentarité avec les professionnels de santé pour transformer ces lieux de soins en lieux de vie. Combien de bénévoles compte votre association à Nancy ? Alors le comité de Nancy compte 120 bénévoles. 120 bénévoles. Avec une grande partie sur l'hôpital d'enfants, puisqu'il y a un passé avec l'hôpital d'enfants. Nous y sommes présents depuis un certain nombre d'années, alors que nous sommes ouverts aux personnes âgées il y a une dizaine d'années. Pour la 10e fois, pour la 10e édition, vous organisez une grande vente de pensées. Ça se passera donc dans la galerie marchande de Cora Oudemont du 2 au 7 octobre, au profit de votre association. Parlez-nous un peu de cette opération que vous faites en partenariat avec l'école d'horticulture et de paysage de Rovilhochaine. Oui, tout à fait. Alors, comme vous dites, c'est une année exceptionnelle, puisqu'en fait, c'est le 10e anniversaire de cette belle aventure, d'ailleurs, qui a démarré grâce au soutien de la direction de Cora Oudemont et des commerçants de la galerie. Et effectivement, nous sommes en partenariat avec les élèves de Rovilhochaine, hein, qui, eux, ont pris en charge les petites graines et qui nous confient des pieds à maturité afin que nous puissions les vendre. Et puis, nous sommes aidés sur les secteurs vente par les élèves de Marie Marvin, du lycée de Tomblaine, qui sont à nos côtés toute la semaine de vente, c'est-à-dire du 2 au 7. C'est un pot de pensée vendu à 1 euro. 7 euros est réinvesti dans des projets pour le bien-être et le confort de l'enfant malade. C'est-à-dire que la totalité des fonds que nous recevrons à la fin de la semaine seront réinvestis par les cadres de santé ou par nous-mêmes au profit de l'enfant et de sa famille. Toujours dans le bien-être et le confort de l'enfant, c'est important. Bien sûr. Alors l'année dernière, plus de 12 000 pensées ont été vendues. Hein, oui, c'est ça ? Tout à fait. Alors donc cette année, nous espérons faire mieux encore. Donc nous comptons sur les visiteurs, sur vous, pour faire exploser notre chiffre de vente et ainsi récompenser l'investissement des plus de 60 bénévoles qui seront présents donc tout au long de la semaine. Exactement. Alors si on veut vous aider ou vous suivre régulièrement, suivre vos actions, comment on peut faire ? On peut vous trouver sur Internet ? Vous pouvez nous trouver sur Internet, sur le site des Blues Roses. Vous pouvez nous trouver aussi sur le site Facebook des Blues Roses Nancy. Et puis, nous avons également un blog associatif où vous retrouvez toutes nos actions, toutes nos missions. Et bien sûr, le plus simple, c'est peut-être de venir à votre rencontre du 2 au 7 octobre dans la galerie marchande. Tout à fait. Avec grand plaisir que le public vienne nombreux nous voir. D'autant plus que le mercredi après-midi, nous organiserons un après-midi récréatif, on va dire, pour les enfants. Donc, on fera des loisirs créatifs avec eux, des jeux, on sortira des caplas. Et nous aurons également la présence de notre ami Chamallow le clown qui viendra pour leur sculpter des ballons. Un bel après-midi qui est prévu pour les enfants. Christiane Rago, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir permis de passer sur vos ondes. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.